sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Côté Association. Radio Arc-en-Ciel, il est 14h. Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et voilà, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM dans l'émission Côté Association numéro 14. Aujourd'hui, je reçois l'association La Compagnie du Folle Théâtre avec mon invité aujourd'hui qui va se présenter d'ici quelques instants, monsieur Jean-Luc Bayard. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Voilà. Donc, je rappelle aux auditeurs et auditrices d'Arc-en-Ciel que s'ils veulent communiquer, poser des questions à Jean-Luc et à son association, c'est possible par le téléphone de la radio. Je vous donne le numéro, c'est le 02 38 43 48 00 sur la page Facebook de l'émission Côté Association L'Émission ou alors encore sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Donc, comme je vous le disais en introduction, je reçois aujourd'hui la compagnie du Folle Théâtre et son fondateur, monsieur Jean-Luc Bayard. Bonjour Jean-Luc. Rebonjour. Rebonjour. Alors Jean-Luc, déjà pour commencer, est-ce que en quelques mots vous pouvez vous présenter aux auditeurs et auditrices d'Arc-en-Ciel qui ne vous connaîtraient pas encore ? Alors oui, ils doivent être nombreux. Ils le seront moins à la fin de l'émission, j'espère. J'espère. Quoi dire, hein, c'est toujours un peu délicat de se présenter soi-même. Disons que je suis un soixantenaire, dans la force de l'âge, qui a la chance, ou qui a pris la chance, de travailler à mi-temps dans l'industrie. Ouais. Ce qui me laisse pas mal de temps pour les activités artistiques, qui sont encore importantes, même si j'ai un petit peu levé le pied ces derniers temps. Ouais. Et puis, sinon concernant mon parcours, j'ai été longtemps dans le théâtre associatif, notamment au théâtre de la Rive de la Chapelle Saint-Mémin, et puis ailleurs dans d'autres endroits, d'autres villes, d'autres vies. Mais vous avez touché à d'autres disciplines que le théâtre ? Alors, c'est vrai que je suis essentiellement issu du théâtre, mais en tant qu'intéressé par le théâtre, j'ai toujours essayé de voir ailleurs ce qui pouvait nourrir ma pratique du théâtre. Donc notamment la danse ou autre, le travail sur la voix, enfin plein de choses qui en fait correspondent au travail fait n'importe quel comédien ou acteur ou sur scène. Oui. Voilà. Mais du coup, vous avez dû vous former. Oui, j'ai suivi des formations, ouais. Des stages, des ateliers tout au long de ma longue vie. Et ça, c'est facile de trouver des formations justement plutôt spécifiques sur qui travaillent plus un point, par exemple la voix ou oui. le corps, le déplacement du corps dans l'espace ou. Oui, il y a pas mal de choses. Notamment sur Orléans, il y a pas énormément de choix, mais il y a quand même des choses qui se passent régulièrement, soit au 108, soit au centre chorégraphique aussi, qui a toujours été très ouvert sur l'extérieur pour proposer des formations, même aux gens qui n'ont pas une approche de danseur, forcément. Oui. Et puis d'autres possibilités après dans d'autres villes. Blois, Tours sont très dynamiques de ce côté-là. Blois a toujours eu une politique de formation au niveau du théâtre. Et puis bien sûr on n'est pas très loin de Paris. Et puis après on peut aller voir ailleurs. Notamment, par exemple, on reparlera du clown, mais oui. Bon, il y a des formations en France sur le clown. Bon. Et du coup, je l'ai dit en introduction, vous êtes le fondateur de la compagnie du Folle Théâtre. L'un des fondateurs. On a fait ça à plusieurs. Et votre rôle aujourd'hui dans l'association, il consiste en quoi ? Ben, je suis officiellement secrétaire. Et officieusement ? Donc, officiellement, homme à tout faire. On est un petit groupe, comme dans toute association, faisons le café, les photocopies, etc. Et puis, ouais. Après, plein d'autres gens qui viennent aider, qui participent, qui font selon leurs compétences, leurs envies, etc. Quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez la casquette du communicant. Alors voilà, c'est ça aujourd'hui, je suis l'homme qui parle dans la radio. Mais on se disait hors antenne que vous connaissiez déjà un petit peu Arc-en-Ciel, vous étiez déjà venu dans les studios d'Arc-en-Ciel. Ben oui, je suis un vieux routard d'Arc-en-Ciel. Et sinon, le siège social de la compagnie du Folle Théâtre, il est situé à la Chapelle Saint-Mémin. À la Chapelle Saint-Mémin. On a créé le Folle Théâtre à la Chapelle Saint-Mémin parce que ma femme et moi et mes enfants, on y habitait, enfin on y habite toujours. Oui. Et puis, parce que à l'époque, au moment où on l'a créé, c'est-à-dire en 2008, il se passait pas grand-chose à la Chapelle Saint-Mémin. Oui. Et puis, ça a été pour nous une des raisons de la création de cette association. Et vous pour essayer de dynamiser un petit peu la vie culturelle sur la chapelle. Bon, depuis, les choses ont beaucoup évolué à la chapelle. Il y a notamment un service culturel, etc. Est-ce que la compagnie du Folle Théâtre, elle a été créée en quelle année ? 2008. Oui. Et en 2008, il n'y avait pas. Ah, c'était Morne Plaine, oui. Ouais. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez la vie culturelle à la Chapelle Saint-Mémin ? Eh ben, il y a donc un service culturel qui a une programmation qui lui salle. Est propre. Alors, les locaux, ils existaient depuis un certain temps déjà. Hein, l'espace Bérère, notamment, oui. Qui est un très beau lieu. Même s'il a quelques petits défauts, c'est une très jolie serre, avec les défauts d'une serre. Mais qui sert à plein de choses. Mais en fait, c'est un lieu très ouvert, très convivial, et ça, c'est très bien. Et puis, par contre, bon, à l'époque, il n'y avait quasiment pas grand-chose, et quand on voulait faire quelque chose, il fallait se battre, quoi. À part le Théâtre de la Rive, qui existe donc depuis très longtemps, qui avait ses rendez-vous réguliers, etc. Du côté mairie purement, il y avait quasiment rien, quoi. Bon, aujourd'hui, je sais, parce que on a un collègue à la radio et que vous connaissez, Albino, qui a l'émission Mavrica, qui organise deux fois par an le Mavrica Live, l'espace Bérère. D'ailleurs, je salue Albino et toute l'équipe. Hein, Olivier, salut Albino. Donc, il se passe aujourd'hui des choses, et heureusement, à la chapelle. Oui, tout à fait. Bien. On va passer rapidement à la première partie de l'émission où on va s'attacher aux origines de la compagnie du Folle Théâtre. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. Alors Jean-Luc, vous le disiez, vous êtes l'un des fondateurs de la compagnie du Folle Théâtre. Ben oui, on a dénoncé les autres fondateurs. Voilà, on va donner les noms. Donc, c'est en 2008, on s'est réunis, bien sûr, après en avoir discuté, etc., etc. Oui. C'était chez Valérie. Donc, il y avait Valérie, bien sûr. Il y avait Nathalie, il y avait Anne-Marie, ma compagne. Il y avait Séverine, il y avait Thomas, mon fils, et moi. Et déjà quand même du monde. Donc, voilà, ça a été donc la petite troupe qui a créé... l'association du Folle Théâtre, compagnie du Folle Théâtre. Compagnie, c'est important pour moi parce que c'est vraiment le sens étymologique, quoi. C'est les compagnons, ceux qui font route ensemble. C'est assez essentiel. Et l'objectif premier à cette époque-là, ça a été très vite de faire justement quelque chose qui allait faire bouger un petit peu la vie culturelle. Et donc ça a été de monter le premier festival de clowns. Déjà, ça a été le tout premier projet. Voilà, ça a été le tout premier projet qui a quand même mis 2 ans à se mettre en place, parce que monter un festival ad nihilo, c'est quand même très lourd. C'est sûr. Et donc c'est comme ça qu'est né en 2010 le FRIC, le festival radicalement indescriptible de clowns. Et ça, il y a eu combien d'éditions ? Il n'y en a eu qu'une. Il n'y en a eu qu'une parce qu'en fait, bon, à l'époque, on était jeunes et fringants. On se disait, ouais, on en fera un tous les 2 ans, tous les 3 ans. Puis après, c'était 4, 5, 6. Et en fait, on a opté pour une forme beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à organiser, qui donc s'appelle maintenant les soirées spéciales clowns. Voilà. Et si je reviens juste un instant sur le nom, la compagnie du Folle Théâtre, pourquoi ce nom ? C'est toujours un peu difficile de savoir pourquoi on nomme un enfant de ce prénom-là ou de tel. C'est Thomas qui, je crois, a proposé ce nom-là. C'est un peu, c'était une des propositions. Ça tourne autour de l'idée du fol esprit, notamment du fol espoir. C'est l'idée de se rattacher un peu à cette tradition du, comment on appelle ça, le fou du roi, le bouffon. Joker, le bouffon. Voilà. Le Joker, c'est en anglais. Oui, on va rester en français alors. Donc, quand vous êtes réunis, l'élément qui a impulsé la création, c'est l'envie de faire bouger la vie culturelle. Voilà. Bon, faut savoir que, évidemment, j'avais déjà donc une pratique du théâtre et de tout ça, que des amis m'avaient déjà un peu initié justement au travail du clown. Enfin bon, tout ça, ça s'est fait un peu en même temps. C'est pas venu ad nihilo, quoi. On s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, on va faire ça. Non, c'est venu parce que c'était une réflexion sur qu'est-ce qui pouvait nourrir à cette époque-là le travail théâtral, comment on pouvait faire justement ce rapprochement entre le théâtre et puis le public. Et on s'est dit c'est le clown. Bon. Du coup, j'ai vu là sur votre site que vous avez plusieurs objectifs aujourd'hui qui régissent un peu la compagnie du Folle Théâtre, notamment promouvoir l'expression scénique contemporaine. Oui. Parce qu'il y a une expression scénique contemporaine et une expression scénique ancestrale. Rétrograde. Non. Oui, ça c'est un petit peu des mots. L'idée c'est contemporaine, c'est-à-dire vraiment essayer de proposer des choses actuelles, quitte à ce qu'elles ne soient pas toujours très bien comprises. Oui. Mais vouloir aller de l'avant. Sortir des sentiers battus et aller de l'avant. Ce qui ne veut pas dire que les formes plus anciennes ne sont pas intéressantes, mais qu'il faut les réinterroger, les redynamiser, etc. Et puis c'est bien d'avoir plusieurs offres théâtrales. Ça permet aussi de... C'est pas très original de notre part. Beaucoup de petites compagnies travaillent sur le contemporain. Mais c'était important de dire qu'on était ancré dans notre temps. Très bien, ça donne une identité. Voilà, et puis ça fait un peu le pendant justement par cette volonté aussi de se raccrocher au passé. On s'est nourri du passé, mais on va vers le futur. Voilà, c'est très joli. C'est bien dit. Et un autre objectif, c'est aussi d'intégrer des personnes en situation de handicap à la compagnie. Oui. Alors ça, c'est un beau projet, et ça fait penser à ce qu'on dit aujourd'hui, ce que les politiques nomment l'inclusion. L'inclusion, gloops. Simplement l'accueil, le partage, ou simplement... De toute façon, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes... Après, handicap, c'est très vaste, c'est très... ça peut être à la limite même... sans vraiment jouer sur les mots, mais le handicap peut être social, quelqu'un qui a pas un rond, qui est à la rue, ou qui... Mais ce que vous disiez en préparant l'émission, c'est que l'idée, c'était pas de proposer à un groupe de personnes handicapées de faire du théâtre, mais c'était plutôt d'intégrer au compte-goutte, je dirais, des personnes, mais à la compagnie, vraiment, d'intégrer les personnes au sein même du groupe, quoi. Oui, toujours. Enfin, pour moi, ça a toujours été l'accueil et l'intégration. Après, en fonction des possibilités, des moyens du groupe, mais d'essayer justement de ne pas de mettre de frontières, de ne pas faire des petites boîtes. Ça, ce serait l'atelier pour les gens normaux, ça serait les ateliers pour les gens anormaux, je ne sais pas quoi. Non, non. Justement, le but, c'est de s'ouvrir et puis de... Alors, il y a des fois, ça marche pas, mais c'est bon. C'est... Et puis, il y a des fois, ça marche. Et puis, voilà, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire après pour que ça réussisse. Il y a des fois, c'est simplement parce que c'était pas le moment ou c'était pas les bonnes gens, et puis voilà. Donc, toujours dans l'idée d'offrir une expression scénique contemporaine, vous touchez un peu à toutes les disciplines. Un peu, hein, la musique, la danse, l'art plastique. Alors, comment vous faites? Vous avez des personnes dans l'association qui sont ressources? On a six bras, en fait. Voilà. En fin de compte, c'est pas que tout le monde fait tout, mais qu'on essaye de s'enrichir d'un peu tout et d'accueillir justement des gens qui ont des compétences différentes. Notamment, on a eu. On a des gens qui ont travaillé tout l'aspect circassien, notamment avec. On a eu un bout de chemin, on a fait un bout de chemin avec l'école de cirque de Saint-Jean-de-Bray, actuellement Alexis Grus. On a. Je vous avais parlé du centre chorégraphique. À une époque, on était pas mal justement à faire des formations, des stages, des choses avec le centre chorégraphique, qui a même accueilli des formations de clowns. Faut savoir, tout le monde n'est pas censé savoir, mais le clown, c'est quelque chose de très physique. Donc, le corps est extrêmement important quand on va dans cette voie-là. Ce n'est pas que de la parole. Voilà. Oui. Vous avez aussi de la musique, je crois. Alors, musique, bien sûr. Ouais, Thierry Parbeau, voilà, salut Thierry. La musique, et puis pas uniquement, donc la chanson, notamment avec Valérie, qui toujours depuis toute petite, elle chante. Et puis d'autres qui savent faire des tas de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qui composent un peu l'équipe du Folle Théâtre. Voilà. Donc c'est une équipe qui peut être en mouvement, voilà, des gens peuvent venir, repartir, selon les projets. Absolument. Ouais. Alors il y a un noyau dur. Il y a un noyau dur de gens qui régulièrement font des projets, proposent des choses, vont les jouer dans des festivals ou ailleurs. Et puis il y a des gens qui effectivement interviendront moins souvent ou interviendront plus ponctuellement. Et puis dans le temps, ça peut changer, quoi. Quelqu'un peut tout d'un coup être plus disponible ou moins disponible. Donc vous êtes ouvert à ça, à accueillir absolument, les gens. Absolument. D'ailleurs, on a donc un atelier, on en reparlera. Et ouais. Donc ça permet à des gens de venir parfois pour voir, pour découvrir, pour vivre personnellement quelque chose, et puis petit à petit se dire j'ai envie de monter un petit sketch avec mon copain, et puis voilà, et... ça peut se faire. Alors du coup, je vous rejoins. À qui s'adresse un peu la compagnie du Folle Théâtre? Parce qu'on a parlé des personnes en situation de handicap, mais vous pouvez accueillir des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées. Alors je dirais tout le monde. À l'autre bout de la galaxie et au-delà. Oui. Après, plutôt ados et adultes, oui. Oui. Parce que accueillir des jeunes enfants, c'est particulier. J'ai animé des ateliers théâtre. Oui. Ouais. J'ai animé des ateliers théâtre à la Chapelle Saint-Méma pendant une dizaine d'années. Et ça demande un cadre spécifique. Disons qu'à partir de 16 ans, on peut accueillir très bien des jeunes, et puis jusqu'à ce que mort s'en suive. Et aujourd'hui, la répartition dans les adhérents, ça se fait quoi? C'est plutôt des jeunes, plutôt des adultes en majorité? À peu près, moyennement. Ouais, ça s'équivaut, c'est égal. Ça s'équivaut à peu près. Bon, c'est vrai que c'est y a peut-être une tendance vers la quarantaine ou quelque chose comme ça. Peut-être parce que les gens sont plus disponibles. Bon, c'est vrai que vers entre 30 et 40. Il y a, moi j'ai connu ça à l'époque, ben voilà, on est un jeune couple, on est, et puis après ben on a envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, voilà. Et là on est beaucoup moins disponible pour le théâtre, pour les activités extra-professionnelles. Voilà. Et vous diriez quoi, il y a plus de femmes ou plus d'hommes? Alors on a de la chance, alors, dans ces activités-là, hein, traditionnellement il y a une majorité de femmes. Ouais. Mais on a la chance d'avoir un certain nombre d'hommes et de pas être loin de la mixité. C'est important. Donc on l'a dit, vous avez beaucoup de bénévoles aussi qui viennent. Ben, nous sommes tous bénévoles. Voilà. Ouais, ouais. Alors vous êtes combien à peu près Une vingtaine, quoi, entre 20 et 25, selon les années. Ça dépend, j'imagine, de la taille du spectacle aussi ou de la taille des répétitions. Ça dépend surtout de l'activité des ateliers. Mmh. C'est ça qui fait varier un petit peu. Sinon, après, les gens qui sont vraiment, qui restent dans l'association, restent depuis un bout de temps, quoi. Ouais. Ça rentre et puis ça ressort tout doucement, mais. Après, il y en a qui ressortent pour aller fonder autre chose. Voilà. Et quand vous faites votre assemblée générale, il y a combien de personnes environ qui sont présentes? Ben, quasiment pour tout le monde, la vingtaine, grosso modo, quoi. Bon, c'est une petite asso, donc on a la chance de pouvoir assez facilement toucher tout le monde, même si c'est pas toujours facile de trouver une date. Oui, il faut la prévoir longtemps à l'avance. Voilà. Quoi. Alors. Autour de l'agglomération orléanaise, et si on s'éloigne un petit peu, il y a d'autres compagnies de théâtre, hein, vous avez cité le 108 tout à l'heure, il y a d'autres compagnies au 108 aussi. Comment vous, à quelle place vous situeriez le Folk Théâtre parmi la richesse théâtrale sur Orléans et ses alentours? On est une toute petite planète tout au bout de la galaxie, quoi. Mais vous faites partie de la galaxie. Ouais, un petit peu, oui. Oui, oui. On le revendique, même si on est un petit peu excentré. Enfin, on est, voilà, on est tout en toute modestie, tout simple. Et, mais est-ce que vous diriez que vous êtes reconnu par les. Ah, c'est à eux qu'il faut demander ça. Ouais. Bon, oui, on est un petit peu connu. On a des gens qui nous demandent des fois de venir jouer pour eux, etc. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine visibilité. C'est important aujourd'hui. Et puis, notre week-end clown a toujours du succès. Donc, Et ça, c'est plutôt des habitués qui reviennent ou il y a aussi parfois des nouvelles personnes qui reviennent? Ben, c'est un peu mix. Hein. Regardez un petit peu, c'est un peu 50-50. C'est bien. Donc il y a un noyau de fidèles et puis il y a des gens qui viennent. Alors, on vient juste d'en parler, du 108, hein, rue de Bourgogne. J'ai vu que vous étiez adhérent au 108. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous oblige? Qu'est-ce que ça fait d'être adhérent à ce bâtiment gigantesque qu'est le 108? Alors c'est effectivement un gros bâtiment, mais c'est surtout plein de gens à l'intérieur. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation du 108, mais bon, il y a des structures de formats très différentes. Il y a des compagnies professionnelles, il y a des associations. On avait reçu Défi dans l'émission. Voilà, il y a, bon, au niveau musical, il y a beaucoup de choses. Au niveau même, théâtre. Il y a même la Radio Campus d'Orléans. Voilà. Il y a les SAD. Il y a plein de gens. Et c'est ça qui est, moi, m'a toujours plu dans le 108, c'est ce bouillonnement. Et le 108, c'est un lieu de création, c'est un lieu d'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, ben, quand on a justement des choses à expérimenter, à tester, c'est un petit peu vers le 108. En tant qu'adhérent, on peut utiliser un peu l'infrastructure. Alors, ben, il y a des salles, il y a des choses comme ça qu'on peut utiliser pour répéter. Il y en a pas énormément, mais bon, on trouve toujours le moyen de trouver une disponibilité pour répéter sur place s'il y a besoin, quand nos salles habituelles sont indisponibles. Il y a un petit local sympa qui s'appelle Le Bol où on peut faire des expositions, on en reparlera tout à l'heure. Il y a des lieux de réunion, donc ça fait 2-3 ans qu'on fait nos assemblées générales là-bas. Donc en fait, d'être adhérent au 108, ça permet d'utiliser. Donc il y a un aspect pratique, matériel, voilà. Ouais. Mais bon, enfin pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est vraiment dans le fait de participer de la vie de ce lieu. Alors, dans les rencontres. Modestement, avec... puisqu'on n'est pas donc implanté. Il y a des compagnies qui sont implantées en dur dans le lieu. Nous, c'est pas notre cas, mais bon, voilà, on fait notre petite part, on essaye, du moins, selon les moments. Voilà. Mais vous connaissez la théorie du colibri. Oui, tout à fait. Voilà, absolument. Dedans. Que alors... je salue d'ailleurs en passant. Vous parliez des salles que vous pouviez utiliser au 108, mais à la chapelle Saint-Mémin, là où est basé le siège de l'association La Compagnie du Folle-Théâtre, vous avez des locaux pour répéter. Oui, un petit peu. Ouais. On a la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la salle de danse, qui est une belle salle où on peut faire de l'atelier et de la répétition. Oui. Ça c'est mis à disposition par la municipalité. C'est mis à disposition, ouais. Voilà, par la municipalité. Bon, alors c'est le gros problème des associations, et notamment à la Chapelle Saint-Mémin. Il y a un gros manque de lieux de salles pour les assos. En plus, bon, des salles comme celle-là, qui sont quand même assez particulières, pour justement travailler l'aspect corporel, c'est encore plus rare, quoi. On ne peut pas faire nos répétitions ou nos ateliers dans une salle de réunion avec du carrelage au sol ou des choses comme ça. Quoi. Ouais. Donc, on l'a sur un tout petit créneau, mais bon, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être solliciter d'autres associations, d'autres partenaires peut-être. C'est toujours un peu compliqué, ça. C'est l'idéal, le rêve serait d'avoir un local un peu à nous, oui. On pourrait poser nos affaires, vraiment faire un lieu d'accueil où Je crois que c'est le problème de beaucoup d'artistes. Je crois que c'est quasiment tout le monde. Les musiciens qui veulent répéter, ils aimeraient tous avoir un local de répétition où ils arrivent juste et ils se branchent et ils peuvent jouer. Et ne pas avoir à amener chaque fois le matériel et l'emmener après, etc. Et du coup, la compagnie. Ça, c'est le rêve. Le Folle-Théâtre, vous avez des partenaires, des partenariats qui se sont mis en place au fil des années, justement ? Pas spécifiquement, pas en dehors de ce qu'on a dit. Donc là, la mairie de La Chapelle, le 108... Il n'y a pas d'autres associations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Il y a d'autres associations, mais c'est des partenariats artistiques, de travail ensemble, de choses comme ça, voilà. Vous pouvez en dire deux mots, peut-être. C'est plus du tout l'aspect... local. Juste pour finir sur l'aspect du local, c'est que donc le théâtre de la Rive est un peu dans le même cas que nous. Ils sont là depuis longtemps, donc ils utilisent la même salle parce qu'ils ont les mêmes besoins que nous. Oui. Et des fois, donc on se partage. Voilà, s'il y en a un qui veut répéter tout un week-end, etc., dans la mesure du possible, quand on peut, parce que quand on a des ateliers à date régulière, c'est pas toujours possible de libérer la salle, hélas. Mais bon, voilà, on s'arrange, on s'organise, et puis on fait comme on peut. Voilà. Et puis, les partenariats avec les autres associations, notamment Chapeloise, c'est très important pour nous. Oui, ça a toujours été notre leitmotiv dès le début avec le festival radicalement indescriptible de clowns. On avait voulu associer autant que faire se peut les associations locales. Notamment, on a depuis un certain nombre d'années, depuis le FRIC, depuis le festival, on a un partenariat avec le club photo chapelois, qui fait un gros travail de photos sur les spectacles que l'on présente. Oui, c'est important de garder une trace. Absolument, voilà. C'est important pour nous pour communiquer, c'est important pour les artistes pour avoir un retour et une trace. Et puis c'est aussi un moyen pour les photographes de se confronter à la photo de scène qui est vraiment très compliquée, très difficile. De jouer avec les lumières. Ça c'est très très dur pour eux. Ça s'apprend, oui. Bien, écoutez, je pense qu'on... On a fait le tour un peu de ce qu'on pouvait faire dans la première partie de l'émission. On va faire une petite pause musicale. et puis peut-être se rafraîchir un petit peu parce qu'il fait, il fait chaud. Il fait lourd. On a eu quelques gouttes de pluie tout à l'heure, ça a rafraîchi un peu, mais là, la chaleur revient. Donc, on va écouter une artiste, une jeune artiste hein, qui débute, qui va sortir son deuxième album prochainement. C'est Jeanne Hadid. Et on va écouter le titre Moutat sur Radio Arc-en-Ciel. présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et voilà, on de retour dans l'émission avec la compagnie du Folk Théâtre et Jean-Luc en face de moi. Tout va bien, Jean-Luc ? Ah, Jean-Luc ne m'entend pas. Il n'a pas remis son micro. Alors, on va recommencer. Donc, on va aborder donc la deuxième partie de l'émission, à savoir un peu, voilà, qu'est-ce que la compagnie du Folk Théâtre fait en ce moment, qu'est-ce qu'elle organise, quel est son fonctionnement. Et donc, dans les principaux objectifs de la compagnie, j'ai pu relever notamment la diffusion des spectacles et de son répertoire. Alors, Jean-Luc. Eh ben oui, parce que se donne du mal pour créer des spectacles, un sketch, une intervention, et puis on aimerait bien qu'elle vive après, pouvoir la partager avec le public. Et ça, j'imagine que sur Orléans c'est limité, donc il faut peut-être Alors attention, maintenant on est en métropole, donc faut faire attention à ce qu'on dit. C'est plus grand tout de suite. Déjà sur Orléans, on a déjà pas mal d'opportunités. Quand je dis ça, l'idée c'est pas de pas jouer le spectacle peut-être tous les week-ends dans une salle différente sur Orléans. Oui, non, là on aurait très vite fait le tour. Voilà, c'est en ce sens-là où qu'il faut peut-être sortir. Sortir d'Orléans, oui. Enfin. Oui, oui, de toute façon, nous on aime bien sortir, aller un peu n'importe à droite, à gauche. Dès qu'il y a une opportunité, on aime bien en profiter. Parce qu'en plus c'est chaque fois des publics différents ou si on reste sur le même endroit c'est sympathique, mais dans la durée, par exemple donc avec nos soirées à spécial clown de février, tous les ans en février on a notre soirée et donc on a un public qui est fidèle, qui revient, plus d'autres gens qui découvrent, et ça c'est très agréable, c'est très sympathique. On peut avoir des retours, l'année dernière c'était mieux, cette année c'était nul, au contraire. Dans l'association il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de rechercher des lieux de diffusion, de placer vos spectacles dans des salles? Non, ça manque. Si tu veux venir le faire, ce serait. Voilà. Non, ou si quelqu'un veut faire. Non, en fait. Je le fais pour la musique. Oui, voilà. Mais le théâtre, c'est un univers complètement différent, quoi. C'est différent, il y a des lieux qui sont différents. C'est pas les mêmes raisons. Mais en même temps, parfois, on se croise avec les musiciens, notamment sur des festivals. Oui. C'est un peu tout le monde qui participe à ça. On est une petite asso et si quelqu'un a une opportunité, crac, boumu. Après, quand il y a des demandes, quand il y a une demande, par exemple, d'une école qui dit j'ai vu votre pub, votre machin, votre site, est-ce que ça vous intéresserait de venir jouer pour notre fête des écoles, machin. Ça arrive au secrétariat, toc, et on diffuse. Ça marche comme ça, quoi. Et donc, un autre objectif de l'association, c'est aussi l'organisation. Vous en avez parlé un petit peu là du festival dédié aux clowns et peut-être des ateliers maintenant d'initiation aux clowns. Alors oui, très vite donc comme une des premières actions de l'association, ça a été de créer le festival de clowns, le Fric, bien nommé. Sympa comme nom. On avait pensé à Frites, mais Fric, c'était mieux. Ouais. Ça interpelle plus. Tu m'as coupé, je sais plus du tout ce que je devais dire. L'autre objectif de la compagnie du Folk Théâtre, c'était l'organisation d'ateliers. On en était aux soirées spéciales clown. C'est un grand moment tous les ans. Donc attention, parce que là, en 2019, ça va être la 10e. Et vous avez déjà la date ? Et on a déjà la date, mais pas dans ma tête. D'ici là, on a le temps. Ce sera début février 2019. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que l'émission Côté Association sera toujours là en 2019. En tout cas, je le souhaite. J'espère. Et donc, on pourra l'annoncer. Avec plaisir, oui. Dans le mois de janvier. Oui, tout à fait. Donc, on a encore un petit peu le temps pour communiquer sur février 2019. C'est quelque chose, c'est un rendez-vous important. Les les comédiens, les artistes commencent déjà, certains, pas tous, mais certains commencent déjà à préparer quelque chose. Enfin voilà, c'est un point, c'est une scansion dans notre vie d'association qui est importante, qui permet de dynamiser un petit peu la créativité des uns et des autres. Et aussi, c'est important, cette soirée-là, ce week-end-là, puisque ouais, ça dure sur tout un week-end, c'est aussi l'occasion d'accueillir des artistes qui ne sont pas de l'association, voire qui ne sont même pas de la ville ou de la région. On a accueilli des Parisiens, on a accueilli des Nantais, on a accueilli comme ça des gens qui viennent de plus ou moins loin. Mais en quelques mots, comment ça se passe une soirée clown alors ? Alors le but de ces soirées, c'est de présenter un petit panel de tout ce qui pourrait se faire, de présenter. Alors c'est pas des spectacles aboutis. C'est des sketchs. Alors c'est des petites formes, puisque chacun a en gros un quart d'heure. Mais justement pour que chacun puisse présenter des choses différentes. C'est une sorte de scène ouverte. C'est une sorte de scène ouverte, oui, si on mais veut, mais organisée. Mais organisée, avec parfois une thématique. Que vous donnez, par exemple, la dernière, c'était l'anniversaire, puisque c'était l'anniversaire de la création de l'association. Il y a eu les élections, des thématiques qui reviennent comme ça. Mmh. Et puis des fois il n'y a pas de thématique, c'est allez-y, donnez ce que vous avez à donner. Et pour 2019 Donc 2019, on va discuter. Non, pas encore, parce qu'on discute de ça la semaine prochaine. Bon. Voilà. Donc il y a une grosse réunion la semaine prochaine pour lancer justement l'organisation. Ça veut dire que vous savez déjà les artistes qui viendront sur scène ? Non. Si vous avez choisi un thème, il faut aussi que les personnes, les artistes puissent préparer en amont. Non, on leur demande pas leur avis. C'est comme ça. Puis c'est donc pas ils arrivent le week-end et il faut qu'ils écrivent. Non, pas du tout. C'est un exercice aussi d'interactivité, d'improvisation. Alors, on l'a fait ça une fois. On l'a fait ça. Donc c'était Marie-Vonne qui avait proposé ça. Elle faisait un peu ton job. Elle était l'animatrice de radio et elle accueillait des personnages et les comédiens qui devaient intervenir pour jouer ce personnage ne savaient absolument pas quel personnage ils étaient, de quoi on allait parler, etc. Ouais. Donc là, c'était vraiment un gros travail d'improvisation, très, très intéressant, très riche. Mais classiquement, on présente des travaux qui sont en cours ou qui sont qui sont en phase finale ou qui sont des extraits de commence à être abouti quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, on a Bastien Crinon qui est venu il a proposé des petits extraits d'un spectacle complet qu'il a. On a d'autres gens qui ont monté spécifiquement pour ce jour-là quelque chose. Ça, c'est très variable et les formes sont très variables parce que ce qui nous intéresse justement c'est la diversité des approches autour de cette idée de clown, mais qui est une grande famille avec des gens justement très différents, et c'est ça qui nous intéresse. Bien. Et le dernier objectif, ça s'est rattaché peut-être au deuxième, c'est l'organisation, l'animation d'ateliers tous les mois d'initiation aux jeux clownesques. Alors il n'y a pas de lien direct. Ça n'en découle pas. Les gens qui viennent à l'atelier ne sont pas obligés de monter sur scène, ne sont pas obligés de présenter un sketch. Par contre, s'ils le désirent, évidemment, c'est une rampe de lancement, c'est une possibilité. Et puis après, et régulièrement, il y a des gens de l'atelier qui finissent par... C'est tentant comme de monter sur scène. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'en ont pas le désir, pour qui, non, c'est pas ça leur truc, quoi. Ouais. Et puis il y en a d'autres, ça finit par l'être. Mais c'est vrai que le clown a besoin du public. Donc, il y a un moment donné, on a envie de se confronter à un vrai public et pas simplement les copains, Donc, il y a quand même, ça penche un peu vers ça, quoi. Bon. Mais sans obligation. Oui, c'est au libre choix. Absolument. Donc du coup, On va peut-être parler maintenant des spectacles qu'on a évoqués dans le premier objectif, la diffusion des spectacles. Oui. Parce qu'il y en a quand même déjà 6 qui sont au répertoire de la compagnie du Folle Théâtre. Alors, il y a le premier, c'est À Livre Ouvert. Il y a aussi Les Carottes Sont Cuites. Il y a aussi Faut que ça pète. Il y a aussi Fun Paradise et encore Petite Fleur et le tri orchestral Big Bang. Alors, c'est une liste tout à fait ouverte et évolutive, ça. C'est que j'ai trouvé sur le site. Absolument, oui. Vous êtes responsable, sujet. Absolument, je suis responsable, mais en même temps, enfin, nous sommes collectivement responsables, parce que les nouveautés, en fait, elles ne sont pas encore présentables au niveau communication, quoi. Il n'y a pas les photos, il n'y a pas les machins, il n'y a pas les trucs. Il y a même des spectacles à venir. Donc, il y a des choses qui vont continuer à vivre, notamment qui ont été présentées ou qui ont été testées en février dernier. Je pense à certaines interventions qui peuvent rebondir et se nourrir et continuer. D'autres non, d'autres passeront, mais certaines vont se joindre à cette liste. Et puis dans cette liste, il y a certaines qui du coup finiront par être un petit peu mises de côté. Pour des raisons aussi diverses que variées, certaines qui ont déjà fait une belle carrière, comme Faut que ça pète, qui a bien vécu. Le tout premier spectacle qui a été monté, c'est lequel ? Il est plus là. Il est plus là. Déjà. En fin de compte, c'est très difficile de maintenir très longtemps un spectacle, parce que les gens ne sont plus disponibles, etc., ou sont sur d'autres choses plus récentes. Et après, on préfère passer à autre chose. Le plus ancien, finalement, c'est peut-être Petite Fleur. Oui. Qui est un duo musique lunesco poétique sur la musique de Samuel Beckett. Non. Si, je connais le. Mais pas Samuel. Samuel Beckett. Samuel Beckett, c'est un homme de théâtre. Un jazziste, oui. Ouais. Et Samuel c'est Beckett. Un trompettiste, je crois. Voilà. Et. Donc Petite Fleur qui est une très jolie musique, c'est un petit duo qui dure 10 minutes, un quart d'heure et qui est très bien pour faire des petites ouvertures de soirée. Donc c'est pour ça, lui on le garde toujours un petit peu, on l'aime bien. Et en moyenne un spectacle, il vit combien de temps sur scène ? Très très variable. C'est très variable. Ça dépend de l'accueil du public, j'imagine. Ça dépend de la demande, de l'envie des comédiens. C'est pour ça, c'est très variable. Après, par exemple, un solo. Par exemple, Les Carottes Sont Cuites. C'est un bon exemple, parce qu'en fait, Les Carottes Sont Cuites, il évolue. C'est-à-dire que Les Carottes Sont Cuites sont plus cuites maintenant qu'avant. En fait, même je crois que le titre a changé. C'est un solo d'une comédienne et donc elle a fait vivre son œuvre un peu de façon c'est vivant quoi. C'est pas figé. C'est pas à un moment donné on arrête. C'est comme ça. Fun Paradise, c'est pareil, elle est passée à autre chose et c'est toujours les personnages qui reviennent. Il y a des différentes façons de travailler au niveau des clowns. Il y a certains comédiens qui gardent le même clown entre guillemets, le même personnage, le même aspect, le même nom, etc., qui le mettent dans des situations différentes, voire des activités différentes. Et puis il y en a d'autres qui ont qui changent, qui vont se prendre un personnage puis un autre essayer des clowns ou des formes clownesques très différentes. Ce qu'on peut dire sur nos propositions. Le mieux, c'est de nous contacter on dira, on a ça en réserve à l'heure actuelle, c'est ça qu'on vous propose en fonction de ce que vous voulez, de la situation. Et on s'adapte des fois. Vous êtes... Oui, oui. Alors du coup, on en a parlé un peu en antenne avant de prendre l'émission à 14h. Le noyau dur un peu de l'association, c'est ce que vous appelez, vous, le tactile. Oui, tactile. Donc c'est les gens qui sont vraiment au cœur de l'association, qui font vivre l'association, c'est ça ? Qui font régulièrement des spectacles. Donc notamment les spectacles dont on a parlé, hein, comme Natacha, comme Marie-Vonne et d'autres, hein, qui vont régulièrement jouer dans des festivals, etc. Donc ont vraiment une pratique régulière. C'est un peu pour ça qu'on les a regroupés un petit peu dans une organisation un petit peu spéciale. Mais bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas rien avec les autres. Voilà, tout ça, c'est très, très souple et très ouvert. Et ça concerne combien de personnes ? Alors, 7 personnes actuellement. 7 personnes quand même, oui. Bien. Ils font pas ils sont pas forcément tous sur scène au même moment. Ah, pas du tout, non. C'est en fonction des projets, des envies de chacun, de l'écriture aussi, peut-être. Voilà, absolument. Oui. On travaille beaucoup. Alors, c'est le clown aussi qui amène un peu ça. C'est beaucoup solo, duo, trio déjà. Au-delà, alors ça nous est arrivé de faire 4 à 5, mais là ça devient vraiment un peu compliqué. Compliqué à jouer, compliqué à organiser. Enfin, voilà. On a fait une intervention pour la mairie de La Chapelle, c'est il y a 2 ans maintenant, je crois, pour une présentation de saison. On était 4 ou 5 et c'est très intéressant, c'était une chouette expérience, mais c'est vrai que c'est assez lourd à mettre en place. Et il y a des décors dans les sketchs de clowns ? Assez rarement, mais ça. Des accessoires ? Oui, oui. Disons qu'il y a des accessoires lourds, quoi. Ça dépend aussi des approches. Il peut y avoir des décors assez lourds. Oui, ça peut arriver. Ça me fait ma liaison avec l'autre projet de la compagnie du Folktheatre, c'est le projet surexposition, à savoir interroger un peu les œuvres d'art et la façon dont on expose ces œuvres. Alors, à quoi ça consiste, ça, Jean-Luc ? Ça a consisté, puisque là, bon, c'est passé. Alors, il y aura peut-être des surgeons, il y aura peut-être des retours, mais... En fin de compte, surexposition, c'était l'envie d'approcher le monde des arts plastiques et au sens large, hein, c'est-à-dire vraiment de pouvoir interroger qu'est-ce que c'est qu'exposer une œuvre et comment tout ça, justement, ça peut s'articuler avec ce que l'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire du spectacle vivant. Et donc c'est un peu ce qu'on a présenté dans les deux phases des surexpositions, hein, puisqu'il y a eu la phase 1 et puis la phase 2. Voilà, tu suis, c'est super. Bon, j'ai vu le site aussi. J'ai triché. Et donc voilà, c'était un projet personnel au départ sur lequel des artistes se sont regroupés autour pour travailler dessus. Et donc il y avait une première approche, la phase 1, c'était sur l'absence, donc sur le vide, sur l'absence d'œuvre. Voilà, faut aller voir les photos sur le site pour avoir une petite idée du projet, avec notamment une intervention vivante donc dans cet espace. Et donc c'était dans le bol au 108. Et ça, donc, c'est passé. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une phase 3 ou une autre. Alors, on a envisagé une phase 3, mais bon, peut-être il y aura une phase 2,5 ou une phase 27, je ne sais pas encore. Et c'est peut-être de là, de ces réflexions-là, qu'a découlé l'exposition du Art Lex ? Un peu, oui. C'est un peu une continuité, l'idée de se dire que, ben oui, effectivement, pourquoi pas... Alors, sous une forme beaucoup plus classique, du coup... Peut-être que vous pouvez nous en dire 2 mots de cette exposition du Art Lex. Oui, alors, du Art Lex était un projet, en fait, de travailler artistiquement sur un produit qui est un produit industriel. Qui est un produit industriel, mais un produit un peu particulier, puisque c'est un produit mythique, c'est un produit que tout le monde connaît. Qu'on a tous eu dans les cantines, dans les hôpitaux, dans les colonies de vacances. C'est le fameux verre avec le chiffre au fond. Voilà, c'est ça. Quel âge tu as, voilà. Voilà. Et ces produits qui sont dans des musées. Hein. Faut savoir que le Picardie et le Gigogne sont dans des musées. Ces produits-là vraiment ont une existence sociale, quoi. Donc c'était ça qui nous intéressait d'interroger et de voir ce qu'on pouvait en faire en tant qu'artiste. Donc j'ai contacté un certain nombre d'artistes, que ce soit alors au départ des céramistes, puisque voilà le verre. Ouais. Voilà. Après, des plasticiens, des peintres, mais des plasticiens au sens large, des gens qui font des installations, etc. Et puis photographes, et puis dessinateurs, et puis musiciens, puisqu'il y a voilà, on a un musicien qui a travaillé sur le projet. Avec le doigt mouillé sur le verre, c'est ça? Sur le site, il y a aussi. Ouais. Tu vas sur le site et tu as un extrait de son travail. C'est Wax qui donc a samplé les bruits de l'usine et puis les a intégré un morceau, retravaillé et a créé le morceau à partir de ces boucles. Et donc, ça, au final, il y a eu une douzaine d'artistes qui ont présenté des œuvres sur le. Ah oui, il y a de la vie hein, à la radio. Il y a de la vie au studio, oui. Donc, c'est pas le groove encore, mais ça s'annonce. On annonce, c'est les prémices du groove. Donc une douzaine d'artistes qui ont présenté donc, à la Chapelle Saint-Mémin il y a un mois maintenant. Donc une exposition avec les œuvres, avec donc une mise en espace et puis sonore et puis tout ça. Et ça a été très sympathique, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu comme donc ça touche, hein, je vous ai dit c'est mythique, donc ça touche vraiment tout le monde. Et en plus, évidemment, à la chapelle, à Ingres et tout autour, ça touche aussi les gens qui ont travaillé à cette verrerie et qui ont eu de la famille qui a travaillé à aussi, cette verrerie, etc. Donc c'est quelque chose qui est très proche d'eux et qui les touchait beaucoup. Et on a eu beaucoup de discussions, de retours, de souvenirs, et ça c'était passionnant. Bah, du coup, c'est intéressant parce que je vais rebondir parce qu'on arrive au terme quasiment de l'émission. Et l'exposition du Art Lex est encore visible à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à la résidence du port, hein, c'est bien ça? Absolument. Depuis le 25 mai dernier jusqu'au 13 juillet. Voilà. On a le temps d'aller jeter un œil. Voilà, et puis profitez-en pour vous promener sur les bords de Loire. Et puis aussi, hop, allez voir l'exposition qui est donc au 11 rue de la Masure. 11 rue de la Masure à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Voilà. Les horaires d'ouverture En gros, alors c'est ouvert tout le temps quasiment, mais bon, disons qu'il faut y aller entre 10h du matin et 17h de l'après-midi, quoi. Vous serez bien accueillis, c'est un lieu sympathique. Ouais. C'est une maison de retraite qui accueille régulièrement des expositions, voilà, qui s'ouvrent, et c'est très chouette. C'est bien, ça mène deux projets en même temps. Voilà. La vie dans les maisons de retraite et en même temps. Ah ben, de toute façon, c'est toujours raccord avec notre façon de voir les choses. Et la deuxième actualité de la compagnie du Folk Théâtre, c'est ça se passe dimanche 3 juin. Eh bien, c'est les ateliers, oui, qui se terminent pour la saison. Hein, donc, le 3, là, dimanche matin, à la Chapelle Saint-Mémin. De 9h30 à 12h30. Voilà, un rue des Tilleuls. Donc, 3 heures d'atelier. Et le 10, ce sera le dernier de la saison, le dimanche suivant. Et il y a encore de la place pour s'inscrire. Alors, vous pouvez venir découvrir. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pourrez nous rejoindre pour la saison prochaine. On peut donner le numéro de téléphone s'il y a besoin de renseignements. Absolument. 02 38 43 56 76. Bien. Ou folletheatre@sfr.fr. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci Jean-Luc. Je vais poser peut-être la dernière question de l'émission, la traditionnelle. Si vous deviez diversifier vos actions, faire tout autre chose, la compagnie du Folk Théâtre irait vers quoi? Vers quel domaine? Vers la Lune ou Mars ou au-delà? Problème. Déjà, on trouve que là, ces derniers temps, on s'est un peu diversifié, donc on va peut-être pas non plus trop. On a touché un peu à l'édition, puisque du coup, on a fait des catalogues. On en est à notre troisième édition, mine de rien. On a eu un petit abécédaire des clowns, et on a eu deux catalogues d'exposition. Donc on a presque une librairie déjà. Et puis on a eu des tentatives de réaliser des gens se sont proposés pour réaliser pour nous des présentations vidéo, mais ça n'a jamais abouti, hélas, c'est dommage, ça pourrait être sympa. Voilà, ça reste en suspens. Ça reste en suspens, voilà. Et puis sinon, on cherche aussi toujours quelqu'un pour réaliser le visuel de la prochaine, du prochain week-end spécial clown de février. Un infographiste ou une infographiste. Voilà, quelqu'un qui a envie de penser là-dessus. Bien, bah écoutez, merci Jean-Luc Bayard, de la compagnie du Folle Théâtre, d'avoir passé cette heure ensemble. Je remercie également Radio Arc-en-Ciel pour son accueil. Et puis, je voudrais saluer Florent, qui va nous mettre en ligne le podcast de l'émission probablement ce soir ou demain. Donc Jean-Luc, je vous le partagerai également, ce podcast. Vous pourrez le faire partager à vos acteurs, vos actrices. Absolument. Vos comédiens, comédiennes. On les passera en boucle. Eh ben, merci en tout cas à Radio Arc-en-Ciel, à Fabien et à toute l'équipe. Eh bien merci. Donc la semaine prochaine, émission numéro 15, avec là on va plutôt du côté de la musique, on recevra l'association Arsenic. Et puis je rappelle, avant de laisser la place à Chantal et son émission Groove Tropical, que le samedi 2 juin de 10h à 19h, place de Loire, quai de Châtelet, Orléans, c'est la fête du vélo 2018. C'est ouvert à tous et c'est en lien avec l'association qu'on a reçue la semaine dernière, Interaction. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Et maintenant Chantal et son émission Groove Tropical. Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil.